La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite? Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Ce podcast, il faut peut-être vous le dire, si vous êtes un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice, eh bien, il vous permet de découvrir virtuellement des personnes, souvent des femmes d'ailleurs, passionnantes et passionnées. Comme d'habitude, on commence avec une citation. J'aime les histoires avec beaucoup de psychologie. Citation d'Alfred Hitchcock. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est aujourd'hui l'actrice de ce podcast. Elle s'appelle Danielle Bastien. Elle vient de sortir un 8e livre. C'est un roman qui est paru aux éditions Academia, c'est bientôt déjà hier. Alors, Danielle Bastien est écrivain, bien sûr, mais elle est aussi docteur en psychologie et psychanalyste. Et son roman, bientôt déjà hier, raconte l'histoire d'une femme qui erre sur la plage. Elle est découverte par une nuit glaciale de novembre à Berck-sur-Mer, au nord de la baie d'Oti. Elle est frappée d'amnésie. Alors tout de suite, on va la découvrir, donc cette autrice, Danielle Bastien. Et une première question, comment passe-t-on de la psychologie à l'écriture? C'est une question bien difficile. Je ne suis pas certaine que j'ai la réponse tout à fait précise. Ce que je peux dire, c'est que, évidemment, ma vie professionnelle de psychanalyste fait que je passe la plupart de mon temps à écouter des histoires de vie, dans une grande majorité, évidemment, des histoires de douleur et de souffrance, puisque les gens ne viennent pas chez moi juste pour voir un psychanalyste, mais souvent parce qu'ils ont des douleurs et des symptômes de vie qui les empêchent de vivre. Donc c'est vrai que je passe ma vie à écouter des histoires. Alors pourquoi est-ce qu'en plus j'ai envie d'en écrire d'autres? Je ne sais pas très bien. Je dirais que l'écriture, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à moi à un certain moment. Je ne choisis pas d'écrire. C'est à un certain moment, à un certain moment, ça se met en route. Et j'ai une idée très, très vague de ce que je vais écrire, mais vraiment très, très vague. Bientôt, déjà hier, c'était vraiment très peu précis. J'avais deux idées en tête et puis voilà, et puis c'est devenu ce roman. Donc, mais alors je me laisse faire par l'histoire et par les personnages. Donc, et c'est ça qui est assez magique et en même temps très étonnant parce que je peux pas. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent tous les jours au bureau au matin et qui écrivent X heures par jour. Moi, je sais pas faire ça. Je n'y arrive pas en fait. Par contre, quand l'écriture insiste, quand elle est là. Eh bien, comme je dis, j'ai l'impression que les personnages prennent vie en moi. Donc, c'est un peu eux qui dirigent l'histoire à un certain moment. Alors, bien sûr, ça vient de mon inconscient, ça vient pas de nulle part. Mais je sais pas, en fait, ce que je vais écrire quand je commence. Les 7 autres livres que vous avez écrits, c'était aussi des romans ou pas ? Alors, j'ai alterné, là aussi, c'est pas vraiment un choix. J'ai alterné des romans et des essais de psychologie, de psychanalyse. Oui, là aussi, c'est pas vraiment un choix. C'est à un certain moment, j'avais envie d'écrire quelque chose de plus théorique, ce que j'ai fait. Même si je pense qu'au fur et à mesure des livres, mon écriture chemine de plus en plus vers quelque chose de plus littéraire. Peut-être ça correspond à mon trajet de vie. Et le dernier essai que j'ai publié, donc c'était juste avant ce roman, qui s'appelle La valse à trois temps, l'histoire du travail d'une psychanalyste. Je raconte en fait des histoires comme celles que mes patients me racontent, mais c'est pas vraiment un roman, mais c'est plus vraiment un essai non plus quoi. C'est déjà plutôt de la littérature, je pense. Vous êtes née en Belgique, vous vivez aussi une partie de votre temps en France, vous avez travaillé comme sage-femme en Afrique. Est-ce que ces expériences de vie sont une source d'inspiration pour vous quand vous écrivez ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que parfois je me dis, mais ma vie à moi, même pas seulement celle de mes analysants, de mes patients, ma vie à moi, c'est un roman. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'en écrire en plus, parce que j'ai vécu beaucoup de choses très différentes et voilà, très, très multiples. Mais oui, bien sûr, et par exemple, l'Afrique continue à hanter quelque part mon désir d'écriture. Là, je suis sur un projet, mais ça fait déjà un moment, et je n'arrive pas vraiment à démarrer, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai démarré, mais je ne suis pas satisfaite. Je trouve que la sauce ne prend pas encore suffisamment. Mais c'est hanté notamment par le Sahel dans lequel on a vécu et par tout ce qui se passe maintenant dans le Sahel avec le djihadisme qui s'y déploie. Enfin, les lieux où on a vécu maintenant, ils sont absolument plus... on ne peut plus y aller, quoi. Enfin, en tout cas, comme Européens. Donc c'est vrai que ça continue à hanter mon esprit. Vous avez des sortes de rituels d'écriture. Par exemple, avant d'écrire, vous devez boire une tasse de thé, ou bien vous écrivez qu'à certains moments de la journée, ou alors c'est vraiment quand l'envie vous en prend. Mais quand la machine s'est mise en route, comme je disais, hein, donc il faut qu'elle se mette en route, mais quand elle est vraiment mise en route et que les personnages commencent à vivre en moi, à ce moment-là, c'est vrai que j'écris plutôt le matin et je démarre très vite, c'est-à-dire que je prends en effet une tasse de café et puis je me mets à écrire jusqu'au moment où je suis fatiguée, parce que je ne peux pas écrire toute une journée, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je peux écrire 3-4 heures et puis après je dois m'interrompre. Et donc oui, mais parce que parfois, je crois que c'est pas sans lien avec le fait que quand j'écris, les rêves que je fais sont en lien parfois avec l'écriture. Donc dans ce roman-ci, il y a des rêves que j'ai écrits qui sont en partie des rêves que j'ai faits au moment où j'écrivais ce roman. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'écrire le matin. Berck-sur-Mer, à ne pas confondre avec Berg, la ville de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est une station balnéaire située dans le Pas-de-Calais, hein, c'est dans le nord de la France. C'est là où se situe l'action de votre dernier roman. Alors pourquoi avoir le choix de cette ville, donc Berck-sur-Mer ? Mais en fait, Berck-sur-Mer, c'est un coup de foudre. C'est-à-dire que, mon mari et moi, on avait un désir d'avoir un lieu d'écriture, justement, puisque mon mari écrit aussi beaucoup. On avait envie d'avoir un lieu d'écriture et on a visité plein de choses, on a eu plein de pistes différentes, enfin, qui nous ont menés de ci, de là. Et puis, un jour, on avait choisi, en fait, on avait découvert l'existence de la baie d'Auty. Donc, la baie d'Auty, c'est une baie naturelle qui est juste à côté de la baie de Somme. En fait, la baie de Somme est à un quart d'heure de Berck. Donc, c'est une petite baie de Somme, mais quand je dis petite, c'est quand même une très grande baie, évidemment, très naturelle, avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de phoques, enfin, voilà. On avait découvert cette baie-là et on s'était dit, tiens, on va aller voir de ce côté-là. On était allé de l'autre côté, c'est-à-dire Fourmahon, Kent. Et puis on a cherché, on n'a rien trouvé. Et puis on est arrivé à Berck. Franchement, on ne connaissait pas du tout l'existence de cette ville avant. Et on est tombé complètement amoureux de cette ville. Et 5 ans après, ça fait 5 ans, moi je suis toujours sous le charme. Quand j'arrive là, je ne sais pas, il y a une ambiance. C'est une ville historique qui a un passé très, très chargé. Et donc, il y a, vous voyez, je ne sais pas. Et puis la plage et la baie sont à couper le souffle. Donc, pour avoir de la respiration entre deux temps d'écriture, c'est juste merveilleux, quoi. En deux mots, voire trois, est-ce que vous pourriez raconter un peu votre roman ? Quelle histoire raconte-t-il ? Donc, le roman s'appelle « Bientôt déjà hier ». Oui, c'est ça. Donc, « Bientôt déjà hier », donc le titre, c'est en fait, c'est l'idée finalement qui est au cœur de la psychanalyse, c'est-à-dire que « bientôt », c'est le futur, « déjà » le présent, « hier » le passé. Donc, c'est l'idée qu'au fond, tout ce que nous vivons dans le présent, de ce que nous projetons dans le futur, est infiltré quand même par des traces du passé, des histoires anciennes, des relations familiales, voilà. Et donc, l'histoire en elle-même... En fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est un thriller, c'est un roman policier d'une certaine manière, qui se passe donc à Berck, et Berck est un des personnages principaux de l'histoire. Et en fait, il y a deux événements qui se passent, à savoir que d'une part, on retrouve sur la plage une femme errante qui est frappée d'amnésie d'identité. Alors l'amnésie d'identité, c'est un symptôme qui existe en psychiatrie vraiment et qui est qu'en fait les gens en général à la suite d'un traumatisme perdent toute notion de qui ils sont. Donc, alors c'est un symptôme très étrange parce que ça peut durer une journée comme ça peut durer tout le reste de la vie. On ne sait pas pourquoi à certains moments ça se lève et pourquoi chez d'autres ça ne se lève pas. Il y a même des histoires célèbres où on a présenté aux gens, on a retrouvé qui ils étaient, on leur présente leurs enfants, leur épouse, et ils ne les reconnaissent pas en fait. Voilà. Et donc ça m'a toujours intriguée ce symptôme-là. Donc il y a une femme qui est retrouvée comme ça sur la plage, et donc on l'emmène à l'hôpital maritime parce que on ne sait pas très bien que faire avec elle, puisqu'elle n'a pas de papier, elle ne sait pas qui elle est. Et elle a juste un petit sac avec des lettres. Un petit sac en toile avec des lettres. Et alors le roman va alterner en fait l'histoire de cette femme et l'enquête, parce qu'il y a un gendarme bercois, Antoine Dambron, qui est chargé de l'enquête, bon, qui lui-même est aux prises avec des tas de soucis familiaux. Donc il essaye de se débrouiller avec l'enquête, mais il a pas mal de soucis à résoudre lui aussi. Et donc il essaye avec la psychologue de l'hôpital d'essayer de comprendre comment faire pour trouver qui est cette femme. Et le roman alterne l'enquête, si vous voulez, et les lettres qu'on découvre petit à petit. Et ce sont des lettres d'une femme qui en fait a quitté du jour au lendemain sa vie, elle a fermé sa maison. C'est aussi des choses qu'on décrit hein, dans la littérature psychiatrique, psychologique. Elle a fermé sa maison, elle est partie dans une sorte d'errance, comme ça, sans savoir pourquoi ni pour aller où. Et elle fait un voyage en Italie, en fait, et donc elle s'arrête à différents endroits en Italie. Et donc le roman va évoluer vers, évidemment, le lien entre les deux, entre les lettres et entre cette femme. Et en plus, il y a en plus un cadavre, c'est-à-dire qu'on repêche une dame noyée dans la baie et on ne sait pas qui elle est. Et donc, finalement, pendant tout le roman, on ne sait pas finalement qui est qui. Est-ce que celle qui écrit les lettres, c'est celle qui est amnésique ou c'est l'autre? Enfin, on ne sait pas, en fait, voilà, jusqu'à la fin, bien sûr. Et là aussi, c'est un hommage, si je puis dire, posthume à tous ces gens à qui c'est arrivé, parce que ça arrive régulièrement à Berck que des gens se noient, parce que c'est une baie qui est assez, elle est composée de ce qu'ils appellent les bâches, donc ce sont des grands bancs de sable, mais qui font parfois des kilomètres, et donc si on n'est pas attentif quand la marée monte, et elle monte assez vite, on est entouré, en fait, les gens sont encerclés, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont encerclés, puis à un moment, ils sont au milieu de l'eau, et les courants sont très forts, parce que le fleuve Oti est quand même assez puissant. Et donc, régulièrement, il y a des gens qui sont noyés. Donc, voilà, l'idée de la noyade à Berck, c'est aussi un thème qui préoccupe beaucoup les Berckois, et les autorités aussi, bien sûr. Votre livre, votre roman, c'est un thriller psychologique. Ça veut dire qu'il faut des notions de psychologie, peut-être pour comprendre l'histoire ? Je ne pense pas. En tout cas, j'espère que non. Les retours que j'en ai eus ne disent plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'au fond, quand même, comme je vous disais tout à l'heure, parfois, j'ai utilisé certains rêves que je faisais au moment où j'écrivais pour les transposer dans l'histoire. Donc, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que je pense que petit à petit, les gens qui lisent et qui ne connaissent pas la psychanalyse, qui est quand même une pratique très particulière pour les gens qui n'en ont jamais fait. On a des images, évidemment, d'Épinal, hein, avec en thérapie, là, maintenant, tout le monde en parle. Mais voilà, de ce que c'est vraiment la psychanalyse, les associations qui viennent et l'élaboration psychique qui en découle, finalement, les gens ne savent pas ce que c'est s'ils l'ont pas fait. Et donc, ce que les gens me disent, c'est que, en fait, je les amène, à travers une enquête policière, je les amène à comprendre comment ça fonctionne, la psyché, et qu'est-ce qui fait que certains symptômes comme ça peuvent à certains moments apparaître ou disparaître, évidemment, ou être... Puisqu'il y a quand même une clé de voûte dans l'histoire, je ne sais pas si je dois... Je ne vais pas révéler l'énigme, mais il y a une clé de voûte quand même qui est la transmission transgénérationnelle et les secrets de famille, en fait, hein. Donc dans ce livre, il y a une sorte de message que vous adressez au lecteur, et quand il a fini la lecture, il peut en tirer une leçon ou pas ? Une leçon, je ne dirais pas, mais peut-être, j'espère en tout cas, comme dans d'autres, finalement j'essaye de faire ça depuis longtemps, je crois, c'est en vous répondant que ça me vient comme ça, mais je crois que j'essaye depuis longtemps, sous une forme ou sous une autre, de dire quelque chose de ce que c'est cette drôle de pratique qu'est la psychanalyse, parce que d'abord ça fait partie évidemment de mon identité principale et que je suis psychanalyste d'abord et voilà, que ça occupe beaucoup mon esprit, mais aussi surtout parce que pour moi la psychanalyse c'est vraiment une rencontre, c'est une rencontre humaine que j'ai fait dans ma vie, je pense qu'il m'a apporté énormément de choses et que d'une certaine manière j'essaye de restituer ce que je peux, comme je peux, et de dire aux gens, mais vous savez, alors je ne dis pas ça comme ça, mais vous savez, moi un jour c'était pas facile, j'ai rencontré des analystes et je pense pouvoir dire aujourd'hui que ça m'a sauvé la vie, enfin que ça m'a permis de dépasser des choses qui étaient quand même très très importantes. Vous dites que les choses qui ont construit notre identité, on les ignore. Ça veut dire que il y a des événements de notre vie qu'on efface comme ça d'un coup? On les efface pas. C'est le psychisme qui les met de côté, qui les refoule. Si on prend le terme de Freud, le refoulement, c'est un beau terme parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est mis de côté, mais ça peut faire retour à un certain moment. Donc c'est un peu ça le fil rouge de l'intrigue. À un moment, il y a quelque chose qui fait retour, et évidemment qu'on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a vécu parce que sinon. On aurait quand même un cerveau bien encombré. Et puis, parce qu'il y a des choses qui nous marquent sans qu'on le sache, et d'autant plus quand on est évidemment tout petit, hein, quand on est avant le langage, ben, on entend des choses, on vit des choses. Alors, pour la majorité des gens, heureusement, ça n'est pas toujours dramatique. Hein, ça peut être juste une construction d'identité, mais personne n'échappe à ça. On est construit par les liens sociaux, c'est-à-dire par les interactions qu'on a eues avec les parents, avec leurs discours, avec parfois certains mots qui sont imprimés en nous sans qu'on le sache. Alors, il y a des choses qu'on sait, évidemment. Ce matin, on entendait une interview d'une dame qui disait que toute sa famille, depuis 4 générations étaient brasseurs et qu'elle était devenue brasseur. Ben oui, ça, faut pas être psychanalyste pour comprendre. Mais parfois, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, quoi. Vous croyez au hasard ? J'ai mis en exergue hein, une citation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Alors, est-ce que je crois au hasard ? Je crois quand même que la vie, parfois, nous amène des choses... étonnante. Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais c'est quand même étonnant. Et dans le roman, en effet, il y a une rencontre qui est... qui déclenche tout. Et ben, alors, on ne le sait qu'à la fin, évidemment. Pourquoi cette rencontre-là a tout déclenché alors que c'était un truc pas très important dans la vie de cette femme? Donc, je crois qu'il y a des rencontres, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Des rencontres qui peuvent bouleverser une vie. Et parfois, ce sont des rencontres qui peuvent être très ponctuelles. Enfin, je crois que la littérature et le cinéma sont remplis d'histoires comme ça. Mais ça je pense que c'est vrai et que je l'ai entendu l'une ou l'autre fois. Il y a des vies qui peuvent basculer comme ça d'un moment à l'autre sans qu'on sache pourquoi. Enfin, consciemment, en tout cas. Oui. Vous parlez de cinéma. On pourrait adapter votre livre au grand ou au petit écran? C'est quelque chose que vous seriez prête à faire ou bien vous avez uniquement envie qu'il reste format papier ou électronique? Ah oui, moi j'aimerais bien, évidemment. Je ne suis pas sûre que ça arrivera, mais oui. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ce que vous dites là... Parce que en fait, il y a un écrivain qui est du coin de Berck, qui écrit que des romans policiers. Donc j'en ai lu quelques-uns de lui, Franck Tillier. Et ça se passe souvent pas nécessairement à Berck, mais je veux dire dans cette zone-là, Pas-de-Calais, Côte d'Opale et tout ça. Enfin voilà. Et en fait, j'ai vu qu'il avait été finalement recruté, là, sélectionné pour faire une série sur TF1, je crois, parce que c'est des thrillers, donc ça se prête plus à la mise en scène cinématographique que si c'est quelque chose de seulement introspectif, quoi. Donc là, il y a une action quand même, il y a des rebondissements. On va parler de vos projets. Un 9e livre, est-ce qu'il est déjà en préparation ou bien là vous avez décidé, 8 c'est assez? Mais comme je vous disais, donc je décide pas, je me laisse faire. Donc là, j'ai un projet qui est là dans mon esprit depuis déjà un long moment. Mais voilà, il s'est mis en route, comme je disais tout à l'heure. C'est en lien avec le Sahel. Alors en fait, c'était très bizarre cette histoire. Ça a démarré ce projet-là a démarré parce que j'ai reçu un monsieur très peu de temps, quelques fois seulement. Et il venait parce que voilà, il était dans une procédure de séparation et que c'était pas facile. Mais en fait, ce monsieur avait été militaire en Afghanistan. Et il était revenu, comme souvent les gens qui ont vécu des choses comme ça, avec quand même des symptômes post-traumatiques, parce que c'est quand même pas rien d'être dans des coins pareils. Et revenu d'Afghanistan, il avait quitté l'armée et il avait décidé d'essayer de trouver un autre boulot. Et il était finalement devenu maître nageur. Et ce personnage-là, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un personnage de roman. Donc, je vous dis, je l'ai reçu 3-4 fois. Mais l'idée du maître nageur qui, en fait, est en Afghanistan, parce que voilà, son esprit était là-bas, ça m'a donné l'envie de faire d'écrire là-dessus. Alors, je ne connais pas l'Afghanistan, donc je ne vais pas commencer à... Par contre, je connais très bien le Sahel. Enfin, très bien, je connais bien le Sahel. J'y ai vécu plusieurs années. Et donc, ce qui se passe au Sahel maintenant, je pense que c'est assez possible pour moi de m'imaginer l'ambiance de ces conflits. Et donc, j'avais démarré tout un... Enfin, j'avais déjà démarré quand même, j'ai écrit quoi, une centaine de pages quand même. Et puis ça s'est arrêté comme ça tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que j'ai commencé à écrire bientôt déjà hier. Et puis là maintenant, peut-être que je vais le reprendre. Alors je me dis, ce serait bien d'essayer de faire quelque chose comme ça avec la pandémie, faire un lien comme ça entre deux guerres finalement. Hein, parce que j'ai écouté pas mal de soignants, surtout au départ, mais enfin encore maintenant. Et c'est vrai que ces gens, ils étaient au front. Enfin, ils sont toujours. Hein, ils sont toujours. Mais enfin voilà, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment de l'ordre du traumatisme aussi, avec tous ces morts. Enfin voilà, ce gars qui me disait, mais voilà, moi, je travaille en réa depuis très longtemps, mais quand tu pars le vendredi, il y a 25 personnes, le lundi, il y en a 3 qui sont morts, c'est normal. Si tu reviens qu'il y en a 20 qui sont morts, tu deviens fou. Et voilà. Et donc, l'idée de faire quelque chose comme ça, qui voyagerait entre le Sahel et la pandémie, ça flotte dans mon esprit. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra. On verra. Merci Daniel Bastien d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre 8e livre. C'est un roman, il vient de sortir, bientôt déjà hier, paru aux éditions Academia. Avant de vous lâcher, vous qui nous écoutez, eh bien j'ai quelques demandes à vous faire. Si vous aimez ce podcast, merci de le liker. Merci aussi de le partager sur tous les réseaux possibles, les réseaux sociaux bien sûr, possibles et imaginables. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des nouveautés de ce podcast. Il y a à peu près un podcast qui sort par semaine. C'est une bonne façon de passer votre temps. Vous avez un petit commentaire à faire, n'hésitez pas non plus à le faire. Allez, je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.